de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1985, pour le magazine de Marie-Hélène Fraissé L'Échappée Belle, Thomas Robach et Henri Raillard proposaient un reportage consacré aux différentes formes de tourisme fluvial. En kayak, en canoë, sur des skis de rivière ou en péniche, sur les fleuves, les eaux vives, les rapides ou les canaux, en Ariège, dans l'Oise, sur le canal de Bourgogne ou à Suresnes, sportifs, bateliers, plaisanciers et éclusiers y racontaient le plaisir des balades ou du travail au fil de l'eau, le long des 8000 km de voies navigables de France. Il était question de poésie du clapot, d'esquimotage, de bif, ou encore du voyage que fit Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, sur le canal de la Sambre à l'Oise en 1876. À voile, à rame et à moteur, un reportage réalisé par Eliane Millot et diffusé pour la première fois sur France Culture le 28 juin 1985. Allez, on y va! Allez! On voit ta précise! Oui, allez! Il sera pas gay, il est là, voilà. C'est là que tu vas mettre ta nuit au fond, voilà, tu t'assois et tu mets l'autre jambe après, ok? Voilà, si tu fais ça, ce qui te fait tenir, c'est la pagaie, c'est hein, qui t'équilibre ton bateau, qui fait qu'il est solidaire de la verge, sinon... Allons-y bravement, tu vas doucement, hein. C'est bon, voilà. Écarte un petit peu les genoux pour les passer sous l'iloire à l'intérieur, voilà, d'accord? Ça va mieux? La France au fil de l'eau est tout d'abord l'aspect sportif, canoë, kayak, rafting. On va expliquer ce que c'est. Tout ça dans le sud-ouest avec vous, Thomas Robach. Oui, Marie-Hélène, j'avais répondu à la très gentille invitation de la région Midi-Pyrénées qui voulait que je goûte quelques-uns des 3500 kilomètres de domaines navigables avec le vélo, le cheval, la marche de haute montagne. C'est une des manières de visiter cette région de France. Les néophytes peuvent témoigner quand ils montent dans un kayak pour la première fois de la terrible, de l'épouvantable sensation d'insécurité. On a l'impression que si on bouge un sourcil, voire une oreille, ça a des conséquences désastreuses sur l'équilibre du bateau, parce que ce n'est pas un véhicule aquatique dans lequel on prend place, c'est presque le prolongement du corps humain. Heureusement, j'avais des professeurs extrêmement exigeants d'au moins 10 ans, 11 ans, et je vous propose de rejoindre mes pédagogues. Ne pas gayer du mauvais côté. Ouais. Surtout, il y a plusieurs façons de ne pas gayer aussi. S'il pagaie le long du canoë, enfin du kayak, c'est pour aller, ça va plus vite. Tandis que s'il pagaie un peu plus éloigné, c'est pour... Alors le problème que je me pose, est-ce qu'il vaut mieux que je descende, que je prenne un vélo ou un cheval, ou est-ce qu'il faut que je m'obstine, on apprend vite? Ouais, mais en pagayant normalement, un coup à droite, un coup à gauche, en tournant... Et régulièrement, pas trop près du canoë. Oui, mais alors votre histoire de canoë-kayak, j'y crois pas trop, parce que ça veut dire qu'il faut 10 ans, alors pour faire un kayakiste potable, il faut 10 ans, il faut que je vienne là à l'hôtel et que je bouge plus. On sait comment maîtriser. Si on prend votre histoire à vous, par exemple, combien il vous a fallu de temps pour arriver à au moins à vous balader là sur la rivière comme vous vouliez? 4 jours. 1 mois. 4 mois. Ah, 4 jours ou 1 mois? 4 mois environ. Il y a 4 mois qu'on a fait, maintenant c'est bon. C'est plutôt pour avoir l'aventure, pour aller descendre dans les grandes rivières, la flotte partout, tout ça. Ah, super. Pour ça. Mais qui a eu l'idée? À l'école, quand on a eu notre emploi du temps, on a vu que le jeudi après-midi, on avait 3 heures de libre. Et M. Muller nous a dit que c'était parce qu'on allait faire du canoë-kayak. Moi, la première fois, on essayait de monter, il y avait des rochers, ça faisait du bouillon. Et on a essayé de monter, il y avait du bois devant, et puis ouais, lui, il s'est retourné. Puis après, moi, je suis allée, j'ai essayé, puis je me suis retournée. Au début, on est pris comme ça parce que c'est froid et tout ça. Puis après, quand on sort de l'eau, moi je sais pas, mais j'avais chaud. J'étais brûlant. Voilà, Marie-Hélène, j'ai un petit peu truqué sur ma rencontre pour la première fois du milieu de la rivière. J'en avais un petit peu fait, mais ma technique ne justifiait pas une émission. C'est pourquoi je me suis adjoint à un vrai spécialiste, Christian Pécry, dont la discipline sportive s'appelle la descente de rivière. Christian Pécry, c'est très différent du kayak slalom. Oui, c'est tout à fait différent, puisque le kayak slalom, bon, le but c'est de passer des portes, alors que la descente de rivière c'est de descendre un tronçon naturel, enfin bon, une compétition qui dure entre 15 et 35 minutes, sur des rivières classées entre 20 et 6. Je crois que vos origines ne vous prédisposaient pas tellement à mettre un casque et à affronter vaillamment les marmites et les rochers. Oh ben, enfin... Vous vous occupez de cheval? Ah oui, enfin disons que non, au départ j'étais enfin, dans la région niortaise, je suis monté à Chantilly parce que j'ai un oncle qui était maréchal ferrant pour apprendre ce métier et je suis redescendu au bout de 3 ans chez moi. Donc, Alors, qu'est-ce qui fait courir du crottin au bateau? c'est l'amour de la rivière? Oui, vraiment. C'est des sensations que vous ne trouviez nulle part ailleurs. Ah oui, c'est enfin, des sensations bien spéciales, quoi. Mais pour faire du canoë-kayak à un haut niveau, est-ce qu'il faut être casse-cou? Est-ce que ça s'apparente à ces sports où on joue sa vie à la roulette? Non. Ou est-ce que c'est un sport technique? Est-ce que même pour vous, à ce niveau-là, ça reste un petit bonheur? Oh ben, c'est pas du tout, enfin, je veux dire, dangereux, hein. C'est tout à fait... Vous, par exemple, vous avez un chronomètre dans la tête, hein, vous jouez contre la montre, mais est-ce que vous arrivez à être heureux, à regarder ce qui se passe? Oui, bien sûr. Enfin, disons, quand je suis en compétition ou que je prépare une compétition, bon, l'objectif, c'est la compétition, donc je ne regarde pas tellement ce qui se passe autour. Mais dès que je peux faire du tourisme ou me promener sur une rivière, faire un camp, là, je profite de tout ce qu'il y a autour, de la nature... Tout ce qu'on peut. Il faut dire que comme beaucoup de sportifs de haut niveau, vous avez été recueillis, si j'ose dire, par une grande maison qui est la Maïf, et vous occupez d'animation, et vous faites partager votre plaisir à des jeunes. Vous pensez que c'est un biais intéressant de la découverte du milieu naturel pour les enfants? Bien sûr, le kayak. Oui. En plus, c'est une sorte de... Enfin, les gamins, ça les sort de leur milieu naturel. Enfin, je veux dire, ils sont complètement... Ils affrontent leur peur aussi. Bah oui, puis ils apprennent à dominer un élément qu'ils n'ont pas l'habitude d'affronter, quoi. Quand pour vous la compétition de haut niveau sera terminée, vous continuerez à emmener des gens sur la rivière? Bien sûr. Déjà, je prépare, enfin, je m'occupe d'un club et j'espère que parmi tous les gens que j'initie, on ressortira des champions, des bons kayakistes, quoi. Il y a une sorte de trion à Marie-Hélène, on rencontre beaucoup de gens de qualité outre Christian Pécry sur la rivière et dans l'Ariège, où j'avais fait cette séance d'initiation avec les jeunes. J'ai longuement parlé sur le lac, tout en pagayant grâce à notre technicien, M. Gouillon. J'ai longuement parlé des possibilités de regard sur la rivière nouveau avec Francis Laverne, qui est éducateur et un peu poète. De longue date, la rivière, c'est un peu l'angoisse pour l'ariégeois de souche. Un jour où c'était et c'est toujours l'eau vive qu'on peut constituer l'élément dévastateur. Le torrent, c'est celui qui noie les bêtes, c'est celui qui emporte les récoltes, c'est celui qui dévaste tout. Les crues qui se sont faites sur la haute vallée de l'Ariège ou sur le Salat le prouvent encore récemment. Hein. Alors, dire que c'est béni des dieux, oui, à certaines périodes, dès qu'arrive disons, la fin du printemps, on peut considérer qu'effectivement l'Ariège est plus que dans d'autres départements un pays d'eau vive, un pays où il est agréable effectivement de dévaler de la montagne. L'eau est froide. Les pêcheurs, quand ils vous voient passer, ils vous prennent pour des fadas ou ils sont contents de vous voir? Oui, parce que le pêcheur, oui, plus le pêcheur que d'autres est accroché un petit peu à une pratique traditionnelle. Alors le pêcheur, il ne voit pas trop pourquoi on s'amuse avec l'eau alors que... Lui, disons son activité, il la pratique de père en fils. Le kayak en Ariège, il y a 10 ans, il n'y en avait pratiquement pas. Hein. Toi, par exemple, tu es là sur sur une conception très sportive, tu organises des passages de chute, des choses comme ça. Mais est-ce que tu arrives à avoir encore un regard sur le paysage ou est-ce que tu traites ça comme le footballeur, sa pelouse? Percevoir un paysage à partir de l'eau, c'est quelque chose qui est... très différent de ce qui est pratiqué habituellement. On découvre la rivière souvent du bord de la route, à partir de sa voiture. À partir éventuellement, et ça se fait de plus en plus, et on en est tout à fait satisfait, parce qu'on est de la même famille que les randonneurs pédestres, les randonneurs équestres. Ben, nous, on propose la randonnée à partir de l'eau, à partir de son rythme aussi, d'une certaine poésie de l'eau, du clapot, une certaine glisse, certains calmes. C'est vrai. On pourrait imaginer une sorte de géographie du canoë, du kayak, comme un peu il y a des pistes cavalières dans certaines régions d'Europe où on s'arrêterait, où il y aurait des petits ports abrités, où on pique-niquerait, où on repartirait. C'est encore possible en 85? Ah mais c'est plus en 85 que dans les 60 possible, parce que cette conception du chemin d'eau comme une ouverture de l'espace, c'est quelque chose qui est effectivement tout à fait à l'ordre du jour. Et si il y a 25 ans, on concevait pas très bien toute l'infrastructure liée à la randonnée pédestre, eh bien aujourd'hui, on réfléchit très près à la mise en place de chemins d'eau. Axelay Thermes Toulouse, demain, ce sera à Toulouse, très certainement Bordeaux et les affluents. Je parle de l'Hers pour ce que je connais de l'Ariège, mais on aura l'Aveyron, on aura le Lot. On travaille ensemble là-dessus, sur ces projets. Cet entretien humide avec Francis Lavergne, plus complexe à réaliser qu'un rendez-vous de navette spatiale, était fait respectivement à bord d'un canoë et d'un kayak, le technicien et Francis Lavergne étant à bord d'un canoë et moi-même pagayant bravement à bord d'un kayak. Quelle est la différence de matériel et de forme, Christian Pécry? Alors, un canoë, déjà la position est différente que celle d'un kayak. Dans un canoë, on est à genoux et on évolue avec une pagaie simple. Tandis que dans un kayak, on est assis et on évolue avec une pagaie double. Parmi les angoisses des gens qui se préparent ou qui ne veulent pas faire de kayak, qui se préparent à en faire, il y a l'esquimotage. C'est vrai qu'on se prépare à esquimoter dans une piscine. Généralement, l'esquimotage étant le tour complet au cas où le kayak bascule. Est-ce que c'est indispensable et est-ce que c'est aussi difficile que ça? Non, c'est pas très difficile et c'est surtout très pratique parce que en rivière, vaut mieux savoir esquimoter plutôt que de faire quelques centaines de mètres à la nage, c'est toujours assez désagréable. Mais dites-moi, la rivière, ça doit être un climatorie, il doit faire au moins 8 ou 5 ou 3 degrés même en été, non? Non, disons que l'hiver il fait pas très chaud, mais tant qu'on bouge, ça va, on n'a pas du tout froid. C'est à partir du moment où on s'arrête. Et en été, c'est très agréable de naviguer sur les rivières. Très agréable d'esquimoter aussi. Très agréable aussi d'esquimoter. Bon, j'essaierai. En tout cas, vous m'avez parlé de camps. Est-ce que les gens qui font du kayak savent s'arrêter, regarder où ils sont, regarder le milieu, à part les pêcheurs qui sont pas contents de vous voir passer généralement? Oui, moi je pense que justement le but de descendre une rivière, c'est de regarder le milieu dans lequel on évolue. Donc regarder le paysage. Les oiseaux, on les voit mieux? Tout. Les rongeurs? De tout, ouais. Je propose de vous raconter l'un de mes arrêts surprises. On arrête le kayak et on rencontre un bien curieux personnage. Je veux savoir ce que vous faites avec ce chapeau chinois sur ma rivière où je fais du canoë-kayak. Mais est-ce que ça vous regarde, monsieur? Oui, je suis en train de chercher de l'or. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour le folklore ou pour le plaisir des joyeux kayakistes, vous trouvez de l'or? Oui, je trouve et puis je vis de ce métier. Vous pouvez me montrer un petit peu et m'expliquer les opérations? Alors, d'abord, on prend la bâtée, mais c'est un chapeau chinois métallique, à l'intérieur de laquelle je vais mettre du gravier et du sable. Bon alors, voilà. Et puis, par un mouvement rotatif, j'évacue d'abord. Non, d'abord il faut débourber. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans l'eau, enlever toutes les boues, pour laver plus facilement ensuite. On enlève les graviers. Et quand il n'y a plus de gravier, un mouvement rotatif qui fait rentrer l'eau d'un côté de la bâtée, ressortir de l'autre, et l'or reste au fond de la bâtée. Au fond de la bâtée, j'ai failli tomber à l'eau. Et qu'est-ce que vous faites de cet or? Vous le vendez à l'Afrique du Sud? De temps en temps, ouais, j'essaie quelques transactions. Non, je souffle le verre et je fabrique des pendentifs que je vends dans des bijouteries ou dans des boutiques artisanales. Est-ce que c'est un or qui a une qualité particulière? C'est un or qui a la qualité de ne pas être traité, déjà. Et ni fendu, et il est très riche, il fait 21 carats et demi. Alors que l'or des bijoux fait 16 carats. Mais il y avait une tradition de rivière aurifère dans cette région? Il y avait une tradition au 19e siècle, ouais, du côté de Saint-Girons, Prates, etc. où les gens orpaillaient, mais l'or était à un cours très très bas, et puis ils devaient faire ça pour les patrons, enfin c'était pas du tout intéressant. Je crois qu'ils ont arrêté, moi je travaille toute seule. Vous êtes, quand vous êtes au bord de la rivière, vous êtes toute seule, ou est-ce qu'il y a, à part les gens qui canotent, il y a des gens qui travaillent sur la rivière, est-ce qu'il y a un monde de la rivière ? Pas un monde de la rivière où je cherche de l'or en tout cas. Moi je suis surtout dans les, en montagne. Et là, éventuellement, je peux rencontrer quelques pêcheurs, mais c'est isolé, c'est dans la nature. Et des gens qui ne se parlent pas tellement, en fait, qui travaillent chacun dans leur coin. Ah non, ici, on est dans un pays où quand les gens se rencontrent, ils se parlent. Ah. Voilà, sans se connaître. Alors, vous posez votre bâté, ils posent leur gaule et vous discutez le coup. Voilà. Est-ce que le tourisme ou l'industrialisation, bon, qui est légère dans ce coin, vous gêne dans votre travail, que vous êtes obligé de monter toujours plus haut, d'aller toujours plus loin ? Au niveau du tourisme, non, parce que c'est encore assez préservé, mais je crois que l'Ariège veut développer quand même le tourisme. Et au niveau industriel, on n'a pas encore l'occasion d'être pollué, mais la pollution est quand même dans les eaux de rivière aussi. Déjà à Pamiers, l'eau de consommation n'est plus potable parce que les agriculteurs l'ont surchargée en nitrate. Et les pluies acides tombent sur les Pyrénées. L'endroit dans lequel je vis aussi a de fortes chances d'être soumis à une pollution énorme. Et je me bats contre ça parce que ma vie, c'est la vie dans la nature, la qualité de la vie. Vous voulez dire que je viens d'arrêter mon kayak devant peut-être la dernière chercheuse d'or de l'Ariège de l'histoire? Je ne sais pas du tout, non, j'espère que non. Vous êtes, vous... En tout cas, je suis la seule à vivre le sein d'Ariège. Vous êtes un dinosaure ? Pas tout à fait, comme vous pouvez le constater. Cette rencontre avec la chercheuse d'or, qui n'est pas, mais alors pas du tout, un dinosaure, en témoigne. Il y a un lyrisme de la rivière, la vision tous les jours de ce spectacle changeant et permanent. Eh bien, ça donne une certaine richesse dans les mots, un côté fluide et liquide dans les mots. Et on le rencontre même chez les notables, dans le bon sens du mot. C'est ainsi que j'ai rencontré Monsieur Stahl, qui dirige le syndicat d'initiative de la ville de Foix, à l'ombre du château de Gaston Phoebus, et qui a finalement un style presque aussi écumant que l'Ariège qui passe devant son ancienne usine. Ben, je vous ai amené dans une île qui se trouve sur les bords de la rivière Largé, qui descend de la Barguillère, et vous entendez les flots tumultueux aujourd'hui qui descendent pour aller vite rejoindre l'Ariège, au pied de la préfecture, qui est l'ancienne abbatiale Saint-Volusien, l'abbaye où autrefois étaient les abbés de Foix. Alors vous semblez aimer beaucoup votre rivière, vos rivières. Ça ne vous empêchait pas, dans le temps, de la faire travailler, la rivière. Autrefois, l'Argé était une rivière qui descendait depuis la région du col des Marousses et qui descendait vers Foix pour aller rejoindre l'Ariège. Et cet Argé, tout au bord de cette petite rivière, il y avait des industries qui fonctionnaient à la force hydraulique, notamment des filatures, des forges. Et la vôtre ? La mienne, c'était une entreprise de boissons gazeuses et de bière à l'époque, et elle faisait son électricité, tout cela tournait avec un petit canal d'amenée d'eau. Ce canal d'amenée d'eau faisait tourner des turbines, et les turbines actionnaient donc des roulements et des poulies pour faire marcher toutes les machines qui se trouvaient à l'intérieur. Alors Monsieur Stahl, depuis une dizaine d'années, on voit des jeunes gens aventureux avec des casques et des ceintures de sauvetage qui descendent l'Ariège. Mais vous m'avez dit qu'en fait, il ne faisait que reprendre une vieille habitude, la rivière travaillait et transportait des marchandises dans le temps. On raconte même qu'à Varilhes, qui était un pays de viticulteurs renommés, les Bipetides des Varillos, c'était un petit vin qui ne faisait pas beaucoup de degrés, non. Mais ce vin de Varilhes était transporté vers Toulouse, pour ensuite rejoindre jusqu'au port de Bordeaux, pour faire peut-être, je ne sais pas, des coupages. Et les propriétaires viticulteurs frétaient des radeaux, frétaient des petites barges pour descendre la rivière jusqu'à Toulouse pour porter ce vin. Quelle année ? Oh là là, c'était certainement vers le 11e, 12e siècle, voyez-vous. Oui. Ça devait être dangereux parce que l'Ariège allait vite déjà. Mais l'Ariège produit des gens courageux, vous le savez. Vous avez évoqué pour moi l'origine très très jolie du nom de l'Ariège. L'Ariège, effectivement, prend sa source presque en Andorre. Et il y a là un cirque. Et ce cirque, c'est de ce cirque que naît cette rivière l'Ariège. Et on raconte qu'il y avait là une certaine Mangarde et que cette ambitieuse châtelaine, elle avait connu un prince aragonais. Et elle était devenue amoureusement folle de son cousin, elle aurait bien voulu l'épouser, ce qui lui aurait donné le titre de princesse et aurait agrandi considérablement son domaine. Aussi, elle envoya un de ses messagers pour, au-delà des Pyrénées, conquérir le pays, ce après quoi elle l'épouserait et ça lui apporterait tout le pays de Foix. Bon, alors le prince, donc, partit, rassembla ses troupes ainsi que celles venant du Tarasconnais et du Sabartès, et cependant, le baril de Mangarde, apprenant de l'invasion de ses terres, il arriva en toute hâte avec ses soldats. Et lorsqu'il se présenta devant le pont-levis, il fut proprement tué et son âme monta directement au ciel. Et on raconte que Mangarde, qui était une coléreuse en même temps, voulut jeter du haut de ses remparts et enterrer son cadavre comme un chien. Mais à ce moment-là, l'histoire dit, c'est une légende, que le château s'écroula dans un nuage de poussière, tandis qu'une vague forme blanche plana dans l'azur. Alors, elle voulut à ce moment-là que, dans toute l'éternité, changer désormais en torrent impétueux vers le pays de Foix, et que tout l'or qu'elle avait accumulé dans son beau château sera maintenant enfoui sous les décombres. Et c'est pour ça qu'on appelait à l'époque Origera. Cette antique Origera, qui était une rivière qui roulait de l'or, c'est devenu notre Ariège qui a ses flots de cristal, ses lirocailleux dans lesquels les orpailleurs du passé ont recueilli longtemps l'or de la fameuse traîtresse Mangarde et on dit qu'encore l'Ariège charrie des pépites d'or. Jean-Louis Stahl, bénédiction des gens de radio, on ouvre le magnétophone, on reste là les yeux mi-clos et on l'écoute. Autre personnage savoureux rencontré pendant ce voyage très aquatique, Roberto Larrieux. Roberto Larrieux, il a un métier, il était ingénieur, et à part ça, il était violoniste de jazz, et puis un jour, il était également champion de kayak, sélectionné olympique, il a eu l'idée de mettre deux petits kayaks à chacun de ses pieds. Et c'est comme ça qu'il a inventé le ski de rivière qui depuis gagne dans toute l'Europe. Et il a eu beaucoup de peine parce qu'une grande émission de télévision en a fait une sorte de gadget, l'homme qui marche sur l'eau. Alors que pour lui, c'est surtout un nouveau sport et une nouvelle manière de découvrir la rivière. Alors avec moi, si vous voulez bien, nous allons faire nos premiers pas de ski sur la rivière. Si tu ne veux pas te relever, si tu as peur des rapides, tu déclenches l'ouverture de sécurité. Et je vais rester les jambes raides. Non, il ne faut pas rester. De toute façon, c'est comme au ski, il faut toujours pousser les genoux en avant. Hein. C'est la même position. Hein. Et ça permet, en plus, d'augmenter les défauts que l'on a sur la neige. Ça les amplifie. Ça permet de faire des progrès après, sur la neige. Comment je vire? Ben, tu vires le poids du corps sur le ski extérieur, comme sur la neige. Hein. C'est vraiment du ski. Du ski en poudreuse. Voilà, là, il y en a un qui est tombé. Il est chuté, il n'y a pas de problème. Oui, mais ça, c'est parce qu'il est sur des skis sans calage. Elle est bonne? Et ça manque de stabilité, mais c'est une habitude à prendre. Et ma foi, avec la perspective d'un bain un peu frais, ça rassure tout de même. J'ai réussi, je marche sur l'eau. Ah ah. depuis la rivière, on a toujours une autre vision de la vallée. Debout, on a une dimension supplémentaire de regard sur les berges que l'on n'a pas, par exemple, assis au fond d'un kayak. Qui vient te voir, les casse-cou, les amateurs de sensations fortes? Non, c'est, disons, les gens qui ne veulent pas bronzer idiot. Et c'est tout à fait dans cette optique de vacances actives que nous voyons arriver des gens de tous bords, de tous milieux, de tous âges d'ailleurs, qui viennent pratiquer et du canoë-kayak et du ski, et également du rafting, mais qui viennent pour se déphaser un peu, sortir de la vie trépidante urbaine. Alors, avec toi, j'ai en face de moi le génial inventeur du ski sur rivière. Est-ce que ça gagne en surface, en nationalité? Est-ce que tu as l'impression que tu vas faire flotter ton pavillon sur d'autres continents avec ce nouveau sport? Bon, disons que le seul pays où il y en est actuellement, c'est la Suisse. Et ils sont très enthousiastes parce que là-bas, ils ont de très belles rivières. Et le but, c'est vraiment de descendre du rapide. Ce n'est pas de marcher sur de l'eau plate. Hein. Ça s'est fait depuis très longtemps et puis c'est pas tellement intéressant. Roberto Larieux a l'abattu rivière près de Maubourguet, un homme extrêmement complet et complexe qui le matin confectionne des magrets et des confits et puis l'après-midi il emmène les gens faire du ski de rivière et du rafting. Vous, Christian Pécri, qui avez une activité plus orthodoxe, puisque je rappelle que vous êtes champion de un des meilleurs Français en descente de rivière kayak, vous prenez ça de haut, vous trouvez que ce sont des gadgets, ces inventions, ou vous avez envie d'essayer de vous respecter? Oui, je respecte tout à fait ce qu'il fait, et ça peut devenir une bonne discipline. Et vous ne craignez pas qu'avec toutes ces innovations, cet effort qui est fait, vos rivières soient bientôt envahies, que ce soit aussi fréquenté qu'une autoroute un jour? Il y a certaines rivières qui sont très fréquentées, effectivement, surtout l'été. Mais avec le réseau fluvial que la France dispose, on n'a pas de problème pour trouver une petite rivière tranquille. Je voulais savoir, vous, actuellement, vous entraînez pour de grandes échéances. Vous avez exactement la même vie d'entraînement sportif, d'amélioration de votre technique qu'un footballeur de haut niveau ou qu'un athlète? Exactement, oui. C'est-à-dire combien d'heures? Là, je fais une moyenne de 2 heures d'entraînement par jour dans toute l'année. Quoi. Et du côté de Niort, vous trouvez les rivières adéquates? C'est plat quand même. Oui, mais vu que les 3/4 d'entraînement se fait sur le plat, donc il n'y a pas de problème. Bon, et je voudrais également savoir, je ne sais plus ce que je voudrais savoir, mais je ne vais pas tarder à le retrouver, Christian Pécri, est-ce que le rafting, vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, et je pense que ça aussi, c'est une discipline qui peut devenir quelque chose de très bien. Ça vous paraît un moyen intéressant de... Il faut rappeler que le rafting, c'est ce radeau pneumatique, ce grand radeau pneumatique dans lequel on peut s'empiler jusqu'à 6-8 et qui affronte des descentes assez impressionnantes. Ça vous paraît un bon premier pas vers la rivière? Oui, je pense que c'est un bon premier pas pour descendre la rivière, vu que bon, c'est une très bonne approche de l'eau. On est plus en sécurité que dans un kayak au début. Donc là, ça peut être une très bonne approche vers le kayak. Le domaine navigable, il n'est pas trop abîmé par les centrales, par la technique? Disons que de plus en plus, ils installent des micro-centrales et ça scanne des tronçons de rivière. Ça m'a donné le prétexte, ces micro-centrales, à voir un exploit de Roberto Larieux, qui n'est pas une tête brûlée, mais qui ne dédaigne pas les tentatives intéressantes. Et je l'ai vu coincé dans une chute à 10 mètres, enfin, il va nous le raconter. Cette expérience de rafting s'est passée sur le gave de Pau. D'ailleurs, nous avons embarqué Marie-Hélène Fraissé sous la basilique de Lourdes, ce qui m'a porté chance, puisque je me suis à peine mouillé. Je précise que le ski sur rivière, ça s'était passé sur l'Adour, deux très très belles rivières. Alors je vous invite en rafting avec Roberto Larieux. C'est pas une grosse bêtise, c'était une première en raft, là, le saut de la chute de Bétarame. Il fallait l'essayer un jour ou l'autre. Quoi. On a profité aujourd'hui, on était bien, on a sauté. C'est quoi la chute de Bétarame? Ça fait 10 mètres? Oui, peut-être entre 8 et 10 mètres. Et c'est quasiment vertical. Disons qu'il y a une glissière qui est prévue pour le kayak, le canoë et le ski sur le côté, qui fait 40 mètres de long. Mais le raft, lui, fait 2,20 mètres de large, alors pas question de passer dans la glissière. Juste avant, tu m'avais fait l'amabilité de m'offrir un très beau voyage, plus tranquille, sur le gave de Pau, avec quand même quelques beaux passages techniques. Oui, il y a le fameux Côte Estringlate au pont des grottes de Bétarame, qui est réputé pour ses tourbillons et ses marmites. En termes techniques, disons que ce sont de gros remous qui viennent éclater en surface. Le raft, c'est une façon d'avenir de se promener sur l'eau en Midi-Pyrénées? en Midi-Pyrénées et partout en France. Disons que le raft a été amené en France par Laurent Nicolet dans un rafting, et maintenant c'est un moyen, disons, de masse pour populariser un peu la descente en eau vive. Apparemment, vu de la rive, on avait l'air d'impressionner énormément les gens, mais en fait, quand on est dessus, avec certaines précautions élémentaires, ça n'a rien de fou. Oui, disons que c'est le slogan du raft en France, c'est tous les vertiges du risque sans le risque. Et effectivement, c'est plus spectaculaire, c'est plus impressionnant, disons, de la rive, parce que ça saute, que de l'intérieur où on est quand même bien, on fait corps avec les vagues. Quel est l'avenir du raft dans cette région et en France? Mais l'avenir, c'est d'ouvrir à tous ceux qui le désirent, c'est-à-dire des gens qui physiquement ne sont plus aptes à faire du canoë-kayak, disons des gens relativement âgés, qui veulent descendre de la rivière sportive, ils peuvent le faire en toute sécurité avec le rafting. Et les plus gamins peuvent se donner quelques chaleurs plus impressionnantes. Tout à fait, tout à fait. Mais il ne faut pas négliger de dire que c'est avant tout confié entre les mains de spécialistes de la descente en eau vive. Hein. Parce qu'il y a toute une lecture de la rivière, comme en kayak. Il faut savoir lire la rivière. Oui, et en plus, il faut anticiper davantage parce que les manœuvres sont beaucoup plus lentes. Donc, il faut anticiper au moins de double de distance par rapport au kayak. Tu en as fait à la fois un plaisir, un métier, puis une activité professionnelle. Mais pour toi, ce n'est pas une fin en soi. C'est une façon de se fondre avec le paysage, de désigner du doigt les choses aux gens. Oui, tout à fait. Disons que nous avons formé une grande association dont l'objet est la découverte nautique des Pyrénées. Et nous faisons de la randonnée nautique sur toutes les Pyrénées. On fait des randonnées sur 6 jours, bien sûr, avec le matériel dans le raft, pour ce qui est le raft. Mais on a des bases permanentes également dans les Pyrénées pour les kayakistes et les skieurs de rivière. Et toi qui passes un certain nombre de journées donc dans l'eau des torrents, ça te fait encore plaisir? Tu as encore des sensations neuves? Ah oui, absolument. D'ailleurs, ce que j'ai dit, l'idée du ski sur rivière est venue pour ça, pour découvrir de nouvelles sensations. Et à ce niveau-là, il y a encore énormément de choses à faire. Il y a encore un territoire neuf où on a commencé à sillonner tout le territoire liquide des Pyrénées, où on peut encore découvrir d'autres remous, d'autres marmites? Oui, disons, dans les Pyrénées, il reste quand même pas mal de cascades au Pont d'Espagne encore, qui ne sont pas faites en kayak. On va peut-être tenter quelques-unes en raft, parce qu'on a une plus grande sécurité en raft qu'en kayak. Et puis, si ça passe bien, on essaiera de les faire en ski. Et ça nécessite l'installation d'une infrastructure touristique? Nous utilisons la nature. Mais ici, c'est quand même spécial. C'est une micro-centrale toute neuve. Et la passe à canoë-kayak, qui est là, qui fait une quarantaine de mètres de long, a coûté dans les 50 millions de centimes, quand même. Et bon, c'est un joujou style Hollywood, un grand toboggan. C'est très impressionnant, c'est sans danger. Mais enfin, nous, on préférait quand même autrefois le passage qu'on appelait le trou du diable qui était ici. C'était vraiment un très beau rapide. Pagaie, pagaie sur cette vieille loi. Pagaie. Pagaie, t'arrivera nulle part. Errons là-haut guetteur. Vois-tu ailleurs. Bout de bois, beau caoutchouc. Flotte-moi plus loin que chez nous. Baigne-moi, tu m'as menti. Ailleurs, c'est comme ici. Ramer. On avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et rame. France Culture, l'échappée belle. Partir, découvrir. 524 19 19. Les vacances au fil de l'eau, cela ne date pas d'aujourd'hui. La preuve, le petit itinéraire que nous allons suivre et qui a été effectué il y a plus d'un siècle. Septembre 1876. Partis de la mer du Nord, deux citoyens britanniques font voile vers l'intérieur des terres, destination Paris, par les canaux et les rivières. Qui sont-ils, ces deux Anglais qui partent à la découverte des rives de la Sambre et de l'Oise à peu près dans le même état d'esprit que deux explorateurs chez les Pygmées? L'un est un jeune aristocrate, il s'appelle Lord Simpson. L'autre, c'est le fils unique d'un riche couple d'Écossais puritains, mais c'est surtout le futur auteur de L'île au trésor et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il s'appelle Robert Louis Stevenson. Il a 26 ans. Du port d'Anvers à Paris, en canot sur les rivières du Nord, c'est le résultat d'un pari d'étudiants. Un pari peut-être un peu dangereux, car ils ne sont de grands pagayeurs ni l'un ni l'autre. Ils ignorent tout du maniement des voiles, car il y a des petites voiles en ce temps-là sur les canots. Ce dont ils ont envie, en fait, ces deux jeunes gens fortunés et sans doute un peu désœuvrés, c'est, comme nous aujourd'hui, d'éviter les lieux dits touristiques, qui à l'époque sont déjà balisés par les diligences et par les chemins de fer. Il faisait délicieux sur le fleuve. Quelques chalands passaient chargés de foin. Des roseaux et des saules bordaient l'eau. Du bétail et de vénérables chevaux gris venaient montrer leur tête placide au-dessus du talus. Ça et là, un coquet village parmi les arbres avec un bruyant chantier de construction de bateaux. Ça et là, une villa entourée d'une pelouse. Le vent nous favorisa pour remonter l'Escaut, puis le Rupel, et nous filions sans difficulté quand nous commençâmes à voir les briqueteries de baume qui s'étendent fort loin sur la rive droite du fleuve. La rive gauche était toujours verte et bucolique avec des drèves d'arbres le long de la digue et ici et là des degrés desservant un bac. Peut-être qu'était là assis ou une femme les coudes appuyés aux genoux ou un vieux monsieur portant une canne et des lunettes d'argent. Campagne opulente avec des fermes, avec des vergers et puis ici et là une fabrique, comme on disait alors. Tel est le paysage du Nord. Car le Nord, aujourd'hui encore, ça n'est pas seulement des terrils et des corons à perte de vue, c'est aussi cette merveilleuse campagne du Hainaut. Compagnons de route des deux touristes, les bateliers, car c'est la grande époque des transports par voie d'eau. Le petit cheval de halage qui tire à lui tout seul les énormes péniches bourrées de sable ou de charbon est déjà concurrencé par la vapeur. Instant, nous rencontrions ou dépassions une longue file de bateaux avec de grands gouvernails peints en vert. Des poupes surélevées avec des fenêtres de chaque côté de la barre et parfois à l'une des fenêtres un cruchon ou une potée de fleurs, une barquette attachée à l'arrière, une femme affairée au repas quotidien et une nichée d'enfants. Ces péniches, 25 ou 30, étaient toutes accrochées les unes aux autres par deux câbles et un vapeur de structure bizarre tenait la tête et remorquait l'ensemble. Il n'avait ni roue à palette, ni hélice, mais au moyen d'un engrenage peu explicable par un esprit ignorant de la mécanique, il amenait sur l'avant une courte chaîne brillante qui plongeait au fond du canal et, repassant au-dessus de la cabine, se mouvait en avant, d'anneau en anneau, traînant sa suite de bateaux chargés. Bonheur de canoter, bonheur des paysages qui défilent au ralenti. Après Maubeuge qui est encore intacte dans ses remparts, voici l'écluse d'Aumont et la patrie des Hénuyers, les habitants du Hainaut, luisante et grasse dans le soleil après la pluie. Dans les prairies, vaguaient des bestiaux blancs et noirs fantastiquement mouchetés. Une bête, la tête blanche sur tout le reste du corps d'un noir satiné, descendit boire sur le bord et demeura gravement immobile, tournant tout à coup les oreilles vers moi à mon passage, semblable à un clergyman hilarant. Un instant après, j'entendis un lourd plongeon et, me retournant, je vis le clergyman faisant effort pour regrimper sur la rive. Le bord avait cédé sous son poids. Le seul moment parfois un peu difficile, c'est quand on se présente à la nuit tombée aux portes des auberges, qu'on est trempé jusqu'aux os, qu'on a l'œil hagard et que ça n'est pas écrit sur votre figure que vous êtes un gentleman écossais flanqué d'un baron anglais. Un peu dur, surtout quand c'est le troisième aubergiste qui vous claque la porte au nez. C'est comme ça que nos jeunes gens de bonne famille, qu'on va prendre pour des colporteurs, vont se retrouver à Pont-sur-Sambre, dans un véritable bouge, attablés devant un potage à la semoule, accompagnés d'une petite bière. Et c'est comme ça que leurs estomacs nourris de roast beef et d'agneaux sauce à la menthe vont faire connaissance avec le quotidien modeste, mais non dénué de bonne humeur, du marchand ambulant, une fois qu'il a posé ses valises. Quel est donc ce farceur ? Eh bien, c'est le commis voyageur. Pap, pap, pap, pap, qu'il pleuve ou vente, qu'il pleuve ou non, toujours il chante, toujours il chante, soir et matin, sur son chemin, fuir la tristesse, fuir la tristesse, blaguer sans cesse, blaguer sans cesse, c'est le bonheur, c'est le bonheur du commis voyageur. Le soir, au gré des cabarets et des estaminets, malgré des tribulations qui sont dues à leur aspect un peu échevelé, nos Britanniques vont tâter un peu de la France profonde, à la table d'hôte, car à cette époque, l'hôtellerie est, disons, conviviale. Non seulement on mange à la même table que les autres clients, mais il arrive qu'on en retrouve un dans son lit. Et chaque matin, refermant leur sac de caoutchouc imperméable, nos canotiers venus de la perfide Albion au pays du sapeur Camembert font leurs adieux aux connaissances de passage. « Après le canal de Sambre-et-Oise, l'Oise elle-même, à ses débuts, encombrée de troncs d'arbres renversés, est particulièrement gonflée et dangereuse à cause des pluies. D'où le grand moment d'émotion, la séquence qu'on pourrait dire héroïque du voyage, à savoir une chute dans l'eau, la première, en tout cas la première que Stevenson avoue dans son récit. Et voilà le canot qui part à la dérive dans des rapides et Stevenson qui se rattrape à un tronc d'arbre in extremis parmi les eaux boueuses. Voilà comment, à la fin de 1876, sur une rivière de France, on a failli perdre le futur auteur de L'île au trésor. Voilà, les petites villes vont continuer de se succéder au fil de l'Oise, donnant lieu à un reportage sur la France patriotique et revancharde des années 1870. Aurigny-Sainte-Benoît, Mohy, La Fère, Noyon et sa cathédrale où le puritain écossais qui est Stevenson fait quelques remarques acerbes sur les déploiements d'enfants de cœur et de luxe sacerdotal. Puis la rivière s'élargit, les berges s'abaissent, l'horizon s'ouvre. Compiègne est en vue. Les canotiers à l'accent british qui faisaient si forte impression sur les pêcheurs, les chalands et les lavandières n'intéressent plus grand monde. À présent que la rivière ne courait plus, au sens littéral, qu'elle ne faisait plus que de s'écouler à la mer, d'une diligence égale, directe mais imperceptible, et que le ciel souriait là-haut jour après jour sans changement, nous commençâmes à glisser dans cet engourdissement bienheureux de l'esprit qui suit beaucoup d'exercices en plein air. Je me suis laissé moi-même stupéfier plus d'une fois de cette manière. En vérité, j'aime à l'excès cette sensation. Toutefois, je ne l'ai jamais éprouvé au même degré qu'en pagayant au fil de l'Oise. C'était le triomphe de la torpeur. Et si vous voulez partir sur les traces de Robert Louis Stevenson sans vous mouiller, un livre, Le voyage en canoë sur les rivières du Nord, qui est publié aux éditions d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs à aujourd'hui que nous revenons maintenant avec vous, Henri Raillard, pour jouer aux mariniers amateurs, cette fois sur des bateaux à moteur plus conséquents. Et nous partons en direction du canal de Bourgogne. Oui, effectivement, Marie-Hélène Freisset, moi j'ai été beaucoup moins téméraire que Thomas Robach et j'ai choisi un mode de tourisme beaucoup plus calme qui est la péniche. Et il ne faut pas oublier que les canaux français sont extrêmement nombreux, il y a plus de 8000 km de canaux et qu'ils sont très anciens. C'est Louis XII en 1490 qui le premier a eu l'idée de relier la Manche à la Méditerranée. Bon, mais quoi qu'il en soit, ce gigantesque réseau de canaux qui relie tous les points de la France entre eux a eu une époque très très importante industriellement au début du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Et les canalous, ce monde de gens qui vivaient, des éclusiers, des mariniers, avaient une vie un peu propre, en marge des choses, en marge du monde. Mais aujourd'hui, finalement, qu'en est-il ? Aujourd'hui, la beauté économique a eu son temps et les canaux ont été petit à petit délaissés et le tourisme, la plaisance a pris la place aux mariniers. Et donc, moi, je suis allé sur le canal de Bourgogne, à Pouilly en Auxois, où j'ai rencontré des anciens mariniers. Et j'ai fait cette rencontre avec deux amoureux des canaux et responsables du canal de Bourgogne, qui étaient André Marc et René Briat, avec également Monsieur Daubinet, qui était un ancien marinier, qui s'est reconverti dans l'entretien des canaux. Il y a 189 écluses. C'est-à-dire pour traverser, il faut beaucoup de temps. Et pour un bateau de plaisance... Les plaisances, on ne peut pas se baser. Hein. Il y a beaucoup à visiter. Alors, ils s'arrêtent et puis ils sont souvent en bicyclette, ils vont visiter et puis ils n'ont pas envie de repartir. Mais pour une péniche qui marche normalement, une péniche de commerce, hein, qui ne s'arrête pas, qui fait ses 13 heures par jour, il fait une semaine pour faire toute la traversée. On peut dire que pour un plaisancier, traverser le tunnel de Pouilly, c'est assez impressionnant. parce que c'est un tunnel qui ne possède pas d'éclairage. Et donc, à mi-tunnel, on est dans le noir complet. Et ça peut être assez impressionnant, dans l'eau, sur l'eau, dans le noir. Il faut être courageux pour traverser ce tunnel. Mais à ce moment-là, mais comment on fait alors pour se guider ? Avec une lampe électrique, hein, parce que comme là, c'est très facile, il y a les fils électriques qui sont au milieu, on éclaire les fils, et puis ça va tout seul. Il n'y a jamais de problème, hein, une question de ça. Non. Aux écluses extrêmes, on leur donne les consignes nécessaires, et le bateau de plaisance qui franchit le souterrain doit avoir un équipement réglementaire à bord, y compris l'éclairage et tout le matériel de sécurité nécessaire. Et une fois qu'on est sur les canaux, ensuite on peut prendre sa bicyclette donc et aller sur le chemin de halage ou un peu n'importe où, quoi. Oui, c'est certain que pour le plaisancier, il y a la beauté d'être sur un bateau, etc., et de naviguer, de passer les ouvrages, mais en plus, bien souvent, il y a des vélos à bord, et il peut partir à la découverte de la région, notamment donc suivre ses équipiers qui sont restés sur le bateau par le chemin de halage, hein, en vélo, donc, et être au calme, il n'y a pas de risque de rencontrer de véhicules. Et donc il n'y a pas de danger. Partir aussi à la découverte des pays traversés, de la région Bourgogne traversée, avec tous ces monuments à visiter, et puis ces villages typiques qui sont restés un petit peu à l'état même brut d'il y a 50-100 ans, quoi. Étrangement calme, hein, ce canal. À part la plaisance, quoi, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et quand vous étiez marinier, il était plus utilisé, ce canal ? Ah ben, ce canal, il a été très utilisé. Hein. Il était même utilisé il y a encore une dizaine d'années, il y avait encore énormément. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est les gros camions. Hein. Il y a une vingtaine d'années, les camions, quand on rencontrait un 10 tonnes, c'était un gros camion. Aujourd'hui, c'est des 40 tonnes, alors... Et puis c'est la vitesse. Hein. Alors ceux qui veulent leurs marchandises, ils commandent un camion et puis ils l'ont à peu près à l'heure voulue que par canot. Il faut compter à 2-3 jours près quand le parcours est long. Hein. On peut pas fixer directement l'arrivée et puis faut que les destinataires ils prennent des grandes quantités. Hein. Une péniche c'est 250 tonnes. Il y a seulement 10 ans, on passait encore facilement une dizaine de péniches par jour. Pour des péniches de commerce. Hein, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut en compter 10 tous les 6 mois. Que soit la navigation, je crois que le travail reste le même pour tous. Il y a une évolution envers les plaisanciers, les services rendus aux plaisanciers, mais le travail fondamental d'entretien, de réparation des ouvrages, des biefs est resté le même depuis 150 ans, il faut le dire. Il y a simplement une évolution du trafic et cette évolution se fait dans cette partie centrale par la plaisance. Maintenant, on va offrir plus de services aux plaisanciers parce que ce sont des gens qui s'arrêtent un peu partout dans les biefs. Parce qu'ils sont en vacances, ils s'arrêtent où ils veulent. C'est quoi un bief exactement ? Alors un bief, c'est une portion de canal située entre deux écluses. Il y a une écluse amont, une écluse aval, et le bief, donc, c'est cette partie centrale de canal. Donc il y a tout l'entretien qui reste le même, hein, fondamentalement, que ce soit le fauchage des biefs et l'entretien de l'ouvrage même, qu'il y ait ou non du passage de bateau, on l'entretient. Mais on dit beaucoup que les mariniers, que les gens qui s'occupent des canaux... sont un peu sauvages. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein. Hein, vous savez, hein, nous, on habitait dans un village. Quand on est arrivé ici, on y a resté pendant 12 ans. Je peux dire, j'ai jamais bu un café dans une maison. Le marinier vit sur sa péniche à longueur d'année. Il est appelé à faire un peu tous les canaux. Donc, il est forcément renfermé sur son canal. Il s'ouvre pas vers l'extérieur, le marinier, parce qu'il n'a pas le temps. Il faut dire qu'un marinier, quand il faisait du commerce, autant de la splendeur peut-être de la voie navigable, c'est 5 heures du matin, 10, 11 heures du soir. Hein, il travaille toujours sur son bateau. Il n'a pas le temps de discuter avec les gens du village. Il discutait qu'avec l'agent du canal ou l'éclusier. C'est tout. Hein, parce qu'il n'avait pas le temps, un marinier ne prenait pas de vacances non plus. Hein, c'est pratiquement 24 heures sur 24 sur son bateau. Il va à la bourse d'affrètement, une fois qu'il est affrété, c'est terminé. Et sa vie, c'était le canal. Oui, voilà, beaucoup de nostalgie autour de ce monde des canaux. Mais vous, Alain Vialton, vous avez connu le canal non pas en tant que marinier, mais vous avez fait des études sur ce canal parce que vous êtes à la fois urbaniste, architecte et également vous vous occupez d'un bureau d'études sur le tourisme. Et je crois que vous avez décortiqué le moindre centimètre carré de canal et ça a donné lieu à une énorme étude sur la construction, l'histoire de ce canal, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Cette étude a été faite à l'initiative du Conseil régional de Bourgogne et de la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement. Elle avait pour objectif de compléter des études plus techniques sur le transport, sur les voies d'eau de la région, en particulier sous l'aspect de la transformation des activités économiques du canal de Bourgogne. Le canal, à l'origine, a été fait comme un ouvrage d'aménagement du territoire pour relier les deux bassins, celui de la vallée du Rhône par la Saône et celui de la Seine. C'était une très vieille idée et cette idée a trouvé sa transformation dans la création du canal au début du 19e siècle, avec des retombées économiques tout à fait importantes dans les régions traversées. Non seulement on reliait deux bouts de bassins qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, mais en plus on irriguait en termes d'économie toute une région. Oui, ce qui explique peut-être le fait que des travaux si importants aient été faits, parce qu'on voit dans le canal de Bourgogne il y a plus de 180 et quelques écluses, je crois. Oui, tout à fait, et c'est de plus à cette époque-là les ingénieurs qui prévoyaient les grands ouvrages les étudiaient avec un savoir-faire, une finesse et une complexité tout à fait extraordinaires, dont on voit encore les traces aujourd'hui et qui font que aujourd'hui le canal de Bourgogne est un patrimoine extraordinaire qui montre les traces de ce savoir-faire et qui aussi va sans doute permettre, en tout cas nous l'espérons beaucoup pour le canal de Bourgogne, une nouvelle activité liée au tourisme, mais qui ne sera pas simplement une activité de cueillette et de passage, comme c'est trop souvent le cas, mais une véritable activité économique. Oui, c'est justement ce qu'on va voir avec André Marc, donc, qui s'occupe du canal, et qui va nous montrer comment les marchandises partant, les touristes arrivent. Les premiers dans le genre sont les Anglais, qui ont apporté la plaisance en France. Sur la navigation intérieure, sur les canaux de navigation intérieure, parce que les Anglais sont en avance sur nous sur plus de 10 ans tout au moins, et les premières bases de location qui ont été installées en France l'ont été par des Anglais, et c'est de là qu'est venue la plaisance. Et maintenant la clientèle est étrangère et essentiellement au départ était anglaise. Maintenant on a des Allemands, on a des Suisses, on a un peu de Français, mais la clientèle pour les trois quarts est une clientèle étrangère. Et les Anglais ont commencé et maintenant il y a des loueurs français qui sont installés et on redécouvre le pays et le charme des pays de l'intérieur par le canal, par les voies d'eau et notamment le canal de Bourgogne. Mais des canaux, il y en a également à Suresnes. Et là, j'ai rencontré Brigitte, qui a une péniche, le clochard, et qui, elle, est véritablement une inconditionnelle de la navigation. La vie est très différente quand on est sur un bateau et quand on est sur la berge. Et c'est ce qui intrigue la plupart de nos amis. Quand ils voient qu'en une journée, par exemple, on a fait, 10-15 kilomètres, ça dépend combien de temps on s'arrête, et qu'en voiture, ils auront fait 10 fois plus de kilomètres, c'est sûr, c'est le monde au ralenti. Mais on prend le temps de voir les choses, on prend le temps de parler aux éclusiers, de sentir un peu l'odeur des fleurs. Enfin, c'est une autre vie. C'est une autre vie et je pense que c'est un monde un mode de tourisme qui s'adresse aux gens qui ont des métiers très très intensifs. Je pense aux médecins. Enfin, on a besoin de se reposer et on ne sait plus se reposer actuellement. On court tout le temps, on vit à 400 à l'heure. Et quand au bout d'une journée sur un bateau, on se dit tiens, mais je peux jouer aux cartes, je peux prendre un bouquin, je peux regarder la nature, admirer la nature. Je trouve ça fantastique, mais on ne sait presque plus. C'est une adaptation et je le vois avec les clients que nous avions sur les bateaux charters. Au bout de 3 jours, ils commençaient vraiment à se sentir bien. Ils n'étaient pas affolés de devoir faire quelque chose. Quand on est sur un bateau une journée, on a l'impression d'y être depuis un petit peu plus longtemps parce qu'on se laisse bercer par les vagues, on est dépaysé. Moi, je crois beaucoup au charme de l'eau. Je pense que c'est un pouvoir bénéfique pour l'être humain. Mais et les rapports entre les plaisanciers et les mariniers, les éclusiers, c'est-à-dire là, on rentre un petit peu dans leur monde, c'est un petit peu une invasion, non ? Absolument, mais je dirais que là, tout dépend de soi-même. Si on les prend bien, si on les accepte bien, si on est gentil avec eux, ils nous le rendent quand même. Mais il y a des gens qui se conduisent tout à fait de façon déplaisante. J'ose espérer que ça n'arrive pas trop souvent. Mais enfin, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Et puis avec les éclusiers, par exemple, on échange, on leur achète des œufs, du fromage, enfin, ce qu'ils ont à proposer. Et pour eux, c'est intéressant comme contact. Je pense que là, on doit se plier un petit peu à ce que nous apportent les autres, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis des années, les éclusiers, les mariniers, qui sont là pour leur travail. Et il est évident que les mariniers n'aiment pas toujours les plaisanciers parce qu'ils travaillent. Et nous, on est en vacances. Alors, il y a un contact à établir qui doit être sur des bonnes bases, n'est-ce pas ? Je vois, par exemple, pour les écluses, les mariniers passent les premiers. Et nous, après, parfois, on doit attendre 2 écluses. Il faut prendre son mal en patience. Il faut profiter un peu plus de la nature. On arrête le moteur, on fait un peu de farniente, on se met dans un hamac. Enfin, il faut occuper le temps de l'attente. Et savoir que, de toute façon, sur un bateau, on continue toujours à avancer à un rythme calme, donc on n'a pas un but vraiment précis. Si on a un but précis, c'est pas forcément bien, parce que si on rate l'écluse, eh bien, il faudra passer la nuit ailleurs, dans les arbres. Voilà, quoi. Oui, le passé des mariniers, le présent des plaisanciers, voilà deux mondes qui se retrouvent sur un petit canal et au milieu une éclusière. Et l'éclusière, elle aussi, est en train de disparaître. Mais pourtant, nous en avons rencontré une, elle a 65 ans et elle nous raconte sa vie. Le plaisancier se substitue à l'éclusière traditionnelle et c'est lui qui effectue ses manœuvres pour passer l'écluse. Alors, c'est un mécanisme relativement simple, on a pris un certain nombre de modifications au niveau des vannes pour les mesures de sécurité. À l'origine, donc, il y a une information du plaisancier par une écluse, la première écluse avant la chaîne, où on lui remet la documentation nécessaire, on lui explique par simulation les manœuvres qu'il aura à faire, on lui remet une bande dessinée, etc. Et quand il arrive donc à cette première écluse, c'est lui qui fait les manœuvres pour s'écluser. Alors, le mécanisme à cette première écluse est relié à un petit ordinateur, et en cas de fausse manœuvre, son attention est attirée par un klaxon strident qui signifie donc une fausse manœuvre. Il rétablit donc la situation ancienne et refait sa manœuvre comme elle doit être. Alors pour le moment, on a toujours une éclusière en place qui veille au bon fonctionnement des opérations. Par la suite, donc, il n'y aura plus d'éclusière fixe à chaque écluse. Par contre, on aura toujours une éclusière ou un agent qui circuleront dans la chaîne, justement, pour veiller au bon fonctionnement de cette expérimentation de manœuvre par la plaisance et également pour maintenir un contact qui est important avec le plaisancier. Oui. Bon, on va demander justement à l'éclusière comment ça marche. Voilà, comment il dit cette expérience-là. C'était comment à l'époque où il y avait encore les faux? Oh, ben, évidemment, ça n'allait pas si vite que les moteurs de maintenant. Hein. Mais enfin, les gens voyageaient, ils marchaient à côté de leurs chevaux. Il y avait toujours une personne pour fouetter les chevaux. Une personne ou deux sur le bateau, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que la nourriture pour les chevaux, elle était sur les péniches ou bien aux écluses? Ah ben, il y avait un peu aux péniches et puis un peu dans les endroits où ils savaient qu'ils allaient s'arrêter. Enfin, des genres de relais. Mais enfin, les péniches avaient leur nourriture quand même avec eux. Hein. Oui. Parce que pour passer le tunnel, les chevaux passaient dessus la voûte. Et ici, vous êtes depuis longtemps? Ah, ben ici, ça fait 25 ans que je suis à cette écluse. Alors, vous devez voir souvent peut-être les mêmes mariniers revenir régulièrement ou... Oui, avant. Mais maintenant, on n'a plus de mariniers. Des vraies connaissances, il n'y en a plus. Non. Alors, à part le rien perdu, le rien trouvé, c'est tout ce qui reste. Les péniches qui sont à Saint-Jean-de-Laune qui font un peu. Mais les vrais mariniers, on n'en voit presque plus. La plaisance est une chose, mais c'est quand même pas si familier. Et maintenant, alors, il y a beaucoup de bateaux là, de plaisanciers ou pas tellement? Oh, pas tellement. Non. Enfin, un peu de péniches hôtel, quelques-unes. Mais des petits plaisanciers, cette année, on n'en voit guère. Je ne sais pas si ça va prendre avec le soleil. On espère. Hein. Mais alors, maintenant, c'est les plaisanciers eux-mêmes qui vont faire le passage des écluses? Ben, en principe, oui. Ils vont prendre leur documentation, essayer de comprendre. Et puis, enfin, je leur explique un peu ce qu'ils ne comprennent pas. Ou les fausses manœuvres qu'ils font. Mais ça doit être fatigant, non, d'ouvrir, de faire un passage d'écluse, parce que faut tourner, non? Fort. Oui, il faut tourner, mais enfin, nous on est habitués, alors ça n'a, mais les plaisanciers, évidemment, il y a des personnes qui trouvent assez dur. Ouais. Il faut combien de temps pour faire un passage d'écluse? Oh, un quart d'heure, enfin 20 minutes au maximum. Eux, évidemment, le temps qu'ils vont comprendre les papiers, qu'ils vont réfléchir, chercher... Quand ils auront en fait deux, ils sauront peut-être pour faire les suivantes. Hein. Vous pouvez me dire comment on fait? Parce que moi, je ne sais pas. Eh bien, on ferme déjà les portes à valves. Ouais. Et puis, on ferme cette vanne-ci. Parce que, vous voyez, il faut tourner la pédale. Sortir la pédale du cran. Ouais. La tourner jusque sur la lettre F. Ouais. Puisque c'est le disque qui tourne comme ça. Et puis l'appareil. Vous voyez? Ah. Alors là, le klaxon se met en route parce que les portes là-bas ne sont pas fermées. Vous voyez, la chaîne n'est pas mise. Ah, d'accord. Voilà. Alors le contact ne se fait pas et l'ordinateur rappelle. Et puis, alors donc, quand c'est fermé là-bas, on rouvre l'autre, on retourne sur la lettre O pour remplir l'écluse. Mmh. Après, on rouvre les portes amont, le bateau sort. Et on referme, en sens inverse. Le tour est joué. Ah oui, oui. Et ça arrive qu'il y ait des ennuis parfois à l'écluse? Ah oui, ça peut arriver. Hein. Vous savez, c'est pour ça que c'est quand même dangereux de laisser les gens seuls. Quelqu'un qui s'attache, le bateau n'est pas bien attaché, ben, s'il lève la vanne trop vite, le bateau peut reculer dans les portes ou alors en descendant, la corde se coince, le bateau peut pencher, basculer. Hein. Moi, j'ai vu des fois des plaisanciers comme ça. Quand ils louent un petit bateau, par exemple, à Pouilly, ils n'ont jamais vu une écluse, ni une manœuvre. Hein. Ben, si ça se coince, on leur crie, hein, faut prendre un couteau bien, qui coupe beaucoup, hein, ben, c'est pour couper une corde en nylon, c'est dur. Oui, Alain Vialton, on a l'impression que cette reconversion des canaux pour de la marchandise à la plaisance se fait très difficilement. Beaucoup de nostalgie, on l'a entendu. Et quant au tourisme, il semble avoir beaucoup de mal à s'implanter d'une manière efficace. En fait, l'implantation ne se fait pas difficilement. Elle se fait de manière un petit peu artificielle et tout à fait plaquée sur l'ancienne activité. Ce sont deux mondes différents. Un siècle et demi d'exercice de transport et puis petit à petit le transport fluvial disparaissant, le tourisme lui devenant un peu florissant, s'est emparé des canaux d'une façon tout à fait inorganisée et totalement sauvage. Rien n'est adapté au fonctionnement du tourisme. On sent un grand scepticisme de la part de cette éclusière pour les plaisanciers qui, d'ailleurs le terme est extraordinaire, qui s'éclusent eux-mêmes. Oui, non, mais c'est vrai que le personnel, d'abord le personnel des canaux, c'est un personnel très rustique. Il faut voir dans quelles conditions ces gens vivent et, pour comprendre que ça les fait un petit peu rire, ces transformations. Oui, je crois qu'il y en a même qui n'ont ni l'eau ni l'électricité dans leur maison. Oui, tout à fait. Les maisons éclusières ont été construites au début du 19e siècle. À l'époque, on faisait une pièce de 10-15 mètres carrés sans aucun confort et on vivait à 5 dedans. Bon, aujourd'hui, plus personne n'accepte de vivre dans ces conditions. Et c'est vrai que la sélection du personnel sur les canaux est pas très facile. Et on ne trouve plus personne pour y aller. Et celles qui y sont, bon, elles terminent un petit peu leur carrière comme ça sur... Dans ces maisons peu confortables. Mais ces parcours sur les canaux, ça peut être aussi un parcours d'archéologie industrielle, parce que beaucoup de ces écluses aujourd'hui sont classées, je crois. En tout cas, sur le panneau de Bourgogne, il y en a point de classées. Mais dans le nord, il y en a beaucoup. Dans le nord, il y en a beaucoup. Sur d'autres canaux, il y en a. Mais ce qui est extraordinaire, en fait, c'est la richesse de l'ensemble de ce patrimoine-là. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est un véritable produit touristique et que ça s'est développé presque contre la volonté d'un certain nombre de gens, c'est que tous les ouvrages du canal, depuis les ponts qui passent, qui font passer les routes, les écluses, mais aussi les tranchées, lorsqu'on est obligé d'enterrer un peu le canal et qu'on creuse une tranchée, il y a des appareillages de pierre, il y a toutes les plantations qui ont été faites le long du canal, qui existent encore aujourd'hui, qui sont tout à fait extraordinaires. Il y a un véritable code des plantations. Des essences qui sont différentes selon si on arrive près d'un village ou d'une ville, ou si on est en pleine campagne, si le canal a des courbes ou s'il est en ligne droite. Et ce code ignoré dans son détail par les gens qui fréquentent le canal, il est complètement apprécié. C'est ça le produit touristique. La nuit s'est faite, la berge s'est tombée, se perd. Un bal musette, une auberge ouvre leurs yeux verts. Le chaland glisse, s'entraîne sur l'eau de sa terre. Où s'en va-t-il, vers quel rêve, vers quel incertain du destin? Sur mon chaland sautant d'un quai, l'amour peut-être s'est embarqué. Et mon loup ce soir sans songer à demain peut changer. Au fil de l'eau, point de serment, ce n'est que sur terre qu'on ment. Ta bouche est triste et je pense à ses fruits mûris, loin du soleil qui dispense leur chaud coloris. Mais sous ma lèvre enfiévrée par l'eau et le vent, je veux la voir empourprée comme au jour levant. C'était À voile, à rame et à moteur, un reportage proposé par Thomas Robach, Henri Raillard et Marie-Hélène Freissé, diffusé pour la première fois dans le magazine L'Échappée Belle le 28 juin 1985. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.